443, activation, oral. Dialogue between Robert and Mireille. You will hear a dialogue between Robert and Mireille. Listen carefully and learn Mireille's lines. Vous aimez les romans? Oh oui. Enfin, ça dépend. Vous aimez les romans d'amour? Ah non, je n'aime pas les romans d'amour. Je déteste ça. Now listen and repeat. Vous aimez les romans? Oh oui. Enfin, ça dépend. Vous aimez les romans d'amour? Ah non, je n'aime pas les romans d'amour. Je déteste ça. Now it's your turn. Vous aimez les romans? Vous aimez les romans d'amour? Thank you.